L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Des astronomes viennent de découvrir un nouveau type d'étoile binaire, où une étoile naine blanche en rotation rapide tourne autour d'une naine rouge en lui projetant dessus un faisceau de particules et de rayonnement, ce qui produit un flash périodique visible depuis les UV jusqu'aux ondes radio. Un cas unique. C'est un peu grâce à des astronomes amateurs que cette étoile binaire au comportement très étonnant a pu être étudiée en détail. En mai 2015, des astronomes amateurs européens se sont en effet penchés sur le cas de AR Scorpii, AR SCO, étoile variable périodique connue depuis 40 ans, dans le cadre d'un programme initié en collaboration avec des astronomes professionnels de l'université de Warwick. Ils ont eu l'opportunité d'exploiter des images de nombreux télescopes parmi les plus performants du monde. Les télescopes spatiaux Hubble et Swift, le Very Large Telescope de l'ESO, les télescopes Herschel et Newton aux Canaries et le Australia Telescope Compact Array en Australie. AR-SCO est un système binaire proche situé à seulement 380 années-lumière. La naine blanche est d'environ la taille de la Terre, mais avec la masse du Soleil, tandis que la naine rouge est plus volumineuse, mais moins massive, environ 0,3 masse solaire. Les deux étoiles se tournent autour l'une de l'autre en seulement 3,56 heures. Ce qui rend ce système binaire si étonnant, c'est l'émission électromagnétique qu'il produit. Une pulsation périodique de lumière dans de très nombreuses longueurs d'onde, allant des ultraviolets jusqu'aux ondes radio. La période de ces émissions est différente de la période orbitale du couple, beaucoup plus courte, 1,97 minutes très exactement. Cette période de pulsation semble associée à la rotation rapide de la naine blanche sur elle-même, mais l'émission de lumière semble, elle, produite par la naine rouge, par une interaction de rayonnement synchrotron sur son enveloppe. Les pulses sont si intenses que le flux de lumière peut croître d'un facteur 4 en seulement 30 secondes. Ce phénomène est unique. Les astrophysiciens ont donc cherché à comprendre l'origine d'un tel comportement. Il se trouve que la naine blanche est très fortement magnétisée et en rotation rapide sur elle-même. De fait, le scénario qu'ont établi les chercheurs est le suivant. Avec son champ magnétique en rotation, la naine blanche accélère des électrons jusqu'à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Ces électrons produisent ce qu'on appelle un rayonnement synchrotron, des rayons X, lorsqu'ils sont défléchis dans leur course, qui apparaît alors émis par la naine blanche à la manière d'un faisceau fin en rotation, comme ce qui existe souvent avec des étoiles à neutrons qu'on appelle les pulsars. Mais la naine rouge, compagne, est très proche de la naine blanche et se retrouve donc balayée périodiquement par le faisceau de particules et de rayonnement X. Lorsque la naine rouge, compagne, est impactée par le faisceau de la naine blanche, un flash de lumière se produit à sa surface et dans toutes les longueurs d'onde. Le processus de l'émission électromagnétique de AR-SCO est à peu près bien compris, mais là où cela devient intriguant, c'est que les astronomes n'ont aucune idée précise quant à l'origine des électrons qui sont accélérés par la naine blanche. Ils ne savent pas s'ils proviennent initialement de la naine blanche elle-même ou bien de la naine rouge. Une piste alternative proposée par Tom March et ses collaborateurs serait que le champ magnétique de la naine blanche interagirait directement avec l'enveloppe de la naine rouge pour y accélérer des électrons in situ. Il ne reste plus qu'à essayer de trouver d'autres cas similaires pour tenter de mieux comprendre ce qui se passe dans de tels systèmes. Cet article de Tom March et ses collaborateurs est paru dans Nature en ligne le 27 juillet 2016. Et il a pour titre « A Radio Pulsing White Dwarf Binary Star ». Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des étoiles binaires bizarres se contemple indéfiniment. Pour retrouver cette émission comme toujours sur iTunes, n'hésitez pas à vous y abonner, sur PodCloud aussi, hein, n'hésitez pas à vous y abonner aussi, et ainsi que sur Stitcher, n'hésitez pas à vous y abonner, tiens. Allez, très bientôt, d'ici la prochaine, bientôt les vacances, oui. D'ici la prochaine, oui, car il y aura une prochaine quand même. Restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, à très bientôt, salut.